OK, OK. 今天要的马甲 OK, OK. 今天要的马甲 OK, OK. 今天要的马甲 OK, OK. 今天要的马甲这根饭满足的饭没足费发过这里快这帮人饭足的饭大过今天要睡的饭大把饭的饭大把饭的饭大把饭的饭大把饭的饭大把饭的sur toi j'ai des dossiers avec les meufs tu fais la thèse à l'heure que tu passes ton temps à négocier t'es moi aussi raconté que t'as couché avec Beyoncé et que t'es 100% hétéro alors que t'es Beyoncé tu fais le même show comme la baisse d'écouter t'es trop balèze tu dis même qu'à 10 contre 1 y'a pas de problème tu te sens à l'aise arrête de ramener ta fraise j'crois que chez toi y'a un malaise y'a plus rien à faire pour toi t'as plus qu'à jeter d'une falaise tu fais pas de mal tu t'en fais Mais tu fais crac qu'on fait les cracks Devant les femmes tu t'en fais T'as continué à jouer les macs T'as pas de fan et t'es ta tête Tu le feras tout seul avec ton mic Ça ça donne, ça ça donne Ça ça donne, ça ça donne Tu dis que toutes les femmes sont friandes De ta friandise Que ce n'est pas par appétit Mais simplement par gourmandise Tu dis que tu fais rien pour Mais qu'elles sont toutes sous ton emprise Tu les attires et les attises Jusqu'à leur faire lâcher prise T'aimes dire avoir couché avec Sophie, Alexandra Mélodie, Audrey, Brice, Sadia, Emilie et Sandra Jenny, H.T. Chloé, Cassandra, Amélie et Sarah Alors qu'on sait quoi niveau sexe, c'est le désert du Sahara Tu fais le Batman, tu t'en fais, mais tu fais pas compter les cracks Devant les femmes, tu t'en fais, t'as continué à jouer les macs T'as pas de fan et t'es ta tête, tu le feras tout seul avec ton mic Ça, ça donne, ça, ça donne, ça, ça donne Dans une ville alors que tu vis dans un appartement Tu vis encore chez maman avec aucun bien t'appartenant Selon les mythos que tu racontes, tu changes de comportement Tu mens n'importe comment et bien souvent avec emportement Tu racontes mythos sur mythos et ça tout le monde le sait Tu ferais mieux de fermer ta gueule, s'il te plaît au moins essaie Tu fais rien de tes journées mais t'aimes trop faire le mec pressé T'as pas tout le monde devant les mains, tu n'hésites pas à les prendre